Will Smith qui met une gifle, par exemple, c'est mon régime. Et moi, je suis Chris Rock. Bah, mon régime, mon régime m'a giflé, mon pote. Enfin, bah voilà. Putain, ça bah me... si. Ouais. Si. Ouais, ouais. Si t'y non, penses. Mais... Si t'y réfléchis. Si. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Genre, tu vois, Will Smith, c'est la dépression, et puis moi, je suis Chris Rock, tu vois. Bah, mec. Non, mais bien vu. Parce non, qu'en non, plus, c'est mec. Des blagues. Ces blagues-là, précisément, n'ont jamais été faites sous d'autres formes, tu vois. Il faisait chaud donc, la semaine dernière. Et cette semaine, il fait froid. Bon. La Will météo, Smith, c'est Will Smith, c'est Will ça Smith, dire c'est la météo. Et Chris Rock, c'est la France. C'est moi, mais qui est genre en t-shirt. Ah ouais, tu m'étonnes. Et, voilà. Et je me fais gifler. Bah, mec, évidemment. Will Smith, c'est la cinquième vague. Allez, j'arrête. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Podcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Et encore une bougie de soufflé, des émissions pas enregistrées, des jeux de mots de grande qualité. Encore une année de passé. Oh, nous nous souhaitons un joyeux anniversaire. Bravo pour Adrien. Hey. Lui comme des frères. Oui, c'est le Floodcast, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Il m'étonne. Ils m'ont tant mal fait et tu l'as. Oh, joyeux anniversaire, une petite chansonnette pour le temps qui passe sur nos vieilles carcasses. Oui, bonjour, bonsoir. Oh là là. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Alors là, un épisode vraiment particulier. C'est de l'impro pour ma part, hein, je précise que j'étais pas au courant. De quoi, que ça partait en pas de Seb? Non mais que moi je devais chanter du Yves Montand mal fait. Alors tu vas voir, Yves Montand mal fait à sa place dans cette émission. Tu vas voir, je ne veux pas trop teaser. Mais okay. Un épisode un peu spécial parce qu'on fête les 7 ans du Floodcast. Alors il y a une raison pour laquelle on fait ça. Enfin il y a deux raisons. Oui, déjà d'une, parce que c'est les 7 ans du Floodcast déjà en c'est, l'occurrence. Voilà. Alors on vous direz pourquoi. Pas, déjà on est complètement transparent avec vous. Mais vous pourriez vous dire alors d'où vous fêtez les 7 ans et pas les 6, les 5, les 4. Bon, on n'a pas pu faire d'émission cette semaine parce que, sans vous raconter ma vie, je me suis fait opérer du pied, de l'orteil, pour être tout à fait honnête. J'ai eu un ongle incarné qui s'est un peu compliqué. Sans rentrer dans les détails, parce que je sais que les gens peuvent être un peu trigger par ça. Mais disons m'étonne. Que j'ai été sous anesthésie générale. Y compris bandé voilà. pour certaines personnes, malheureusement, qui sont très nombreuses sur Internet. Imaginez voilà. ton pied ouvert, ils peuvent s'imaginer peu. Insérer leur bite dedans, dans la plaie. Bien sûr. Alors c'est pas ce qui s'est passé moi, hein, de mon côté. Enfin, j'étais sous anesthésie générale, oui, mais apparemment voilà. c'est pas ce qui s'est passé. Mais non, mais donc voilà. Donc là, c'est vraiment un peu compliqué pour moi de me déplacer et je suis un peu sous codéine, un peu tout le temps. Donc du coup, voilà, on se fait un épisode à distance avec Adrien. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un épisode qu'on nous demande assez régulièrement parce que souvent, en fait, quand on fait des épisodes avec Adrien, on nous pose plein de questions sur le Floodcast, sur l'évolution du Floodcast, sur le podcast en lui-même. Et bah, quand il y a d'autres invités, c'est un peu galère parce que d'un coup, l'art ça devient du podcasting. L'art du podcasting. Non mais c'est vrai que c'est un peu galère quand il y a d'autres invités parce que du coup, ça fait très nous, ce qu'on adore faire en règle générale. Mais bon, quand il y a d'autres invités, des fois, c'est un peu compliqué. Donc là, on s'est dit putain. Il gâche tout. Donc là, c'est un peu l'occasion de pouvoir parler avec les gens. Surtout que, revenir sur la toute base de quand est-ce que le Floodcast est né. En plus, on voulait faire déjà un peu cet épisode il y a quelques temps. Alors, on l'avait pas fait parce que j'avais merdé. Parce qu'on a dépassé les 100 épisodes, Adrien. Il y a de ça quelques épisodes déjà. Les 100 épisodes, je suis obligé de te reprendre, hélas. Bien sûr, mais je sais. Absolument, mais en même temps. D'ailleurs, je tiens à me reprendre moi-même. J'étais pas du tout obligé de te reprendre, je suis une pure merde. Les gens qui disent je suis obligé de te reprendre comme je viens de le faire, ce sont des pures merdes. T'es un grammar suprémaciste, selon moi. Un grammar suprémaciste. Non mais tout ça pour dire, oui voilà, on voulait faire un épisode pour les 100, le numéro 100, mais alors déjà d'une, dès qu'on a eu l'idée, on avait déjà dépassé les 100, donc c'était déjà raté sur toute la base. Après j'ai fait, ouais mais attends, parce que si on enlève les hors-séries, genre les Pixar, Star Wars, machin, je crois qu'on est à 97. On a vite fait essayer de lancer un truc qui a complètement planté. Une cata. On voulait faire un truc où c'était. On peut le dire aux gens maintenant. On voulait que les gens adorent notre transparence. C'est vrai. On voulait que des animateurs radio connus et reconnus nous rendent hommage et évidemment à chaque fois nous chient un peu à la gueule. Et j'avais commencé un peu les démarches. J'avais demandé à Baptiste Le Caplain le numéro de téléphone de Laurent Ruquier. Ce à quoi il m'avait répondu. Il déteste ça, ce qui était déjà un très début. Puis il déteste plus tard, quoi laisser des messages, genre. Tu vois, genre, salut, et bah pour le podcast Floodcast, c'est Laurent Ruquier. Enfin, tu vois, bon, bref. Et il m'avait dit, genre, 3 heures après, Baptiste m'avait dit, mais sinon, Marc-Antoine Lebray, ça t'intéresse pas? Genre, il limite ce qu'il voulait vraiment dire. Je ne veux pas prendre le risque de demander à Laurent Ruquier. Je ne veux même pas lui demander. Et de m'humilier. Je pense que c'était la vraie raison, c'était ça, parce que le truc de. Il déteste ça. Bon, c'est le Caplin qui a inventé un trait de personnalité de Ruquier. Genre, c'est venu dans la conversation un jour. Ah bah tu sais, un truc que je déteste moi, laisser des messages à des gens qui font d'autres émissions et dans l'émission ils lisent le message. Ça, je déteste ça. Et ça, Baptiste, t'as inventé ça Baptiste. T'as inventé Baptiste parce que t'osais pas demander à Ruquier, c'est tout. Et donc du coup, on avait demandé aussi à Manu Payet. Parce qu'on avait fait avec lui une émission. Bah, qui est un frérot, donc. Mais de toute façon, c'était merdé, parce qu'aucun animateur n'avait répondu. J'avais tenté plein de gens. Bon, bref. Un fiasco terrible. Mais pour cette émission, du coup, je ne me suis même pas lancé dans ces trucs-là. Je me suis dit. Alors. Mais c'était trop ambitieux pour ce qu'on est, en fait. Et je trouve que cet anniversaire-là, il est à l'image de notre émission. C'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble. Il y a bon, toi t'as prévu des trucs, mais en gros c'est bon, c'est un, il va y avoir une FAQ, il y a des petits, ouais. Mais c'est globalement l'équivalent d'être dans la sur la table de la cuisine avec des gobelets en plastique et on se boit un Fanta, quoi. C'est ça. Nos anniversaires, il y a pas d'invité, on est seul. Il y a un cake savane qui est qu'on ouvre, et on se coupe une tranche de savane avec un oasis, et voilà, puis c'est notre anif, quoi. Mais c'est bien. Ouais, pour moi, c'est exactement ce à quoi c'est ce que j'espérais, en fait. J'ai quand même un petit peu travaillé, Adrien, puisque ça fait 7 ans que cette émission existe. Est-ce que tu sais exactement la date où on a créé le Floodcast? Le premier pas épisode. Pas du tout. Parce qu'il y a deux premiers épisodes, en vérité. Il y a l'épisode officiel et l'épisode officieux. Parce qu'avec Adrien, on avait fait un podcast, un premier épisode avec Clara Benjamin, Simon Massonneau, Lucien Maine. Et merde, et c'est tout, je crois. Et toi, du coup, mais enfin voilà, oui, c'est ça. Mais en gros, c'était pas du François tout. François Descraques ? Non, c'était dans l'épisode d'après. Celui d'après, d'accord. Et en gros, cet épisode-là, on parlait un peu pop culture et tout, et donc c'était pas vraiment le Floodcast. On était un peu des trous du cul qui donnaient notre avis sur tout. Et du coup, quand je l'ai réécouté, je faisais j'aime pas trop parce que c'est pas vraiment l'émission. On se cherchait, tout simplement, Adrien, on se cherchait. Ouais, mais faut assumer ses erreurs. Je l'ai tout supprimé de l'intégralité d'Internet. Je comprends. Et l'épisode d'après, qui était le deuxième, en l'occurrence avec Taos Merakchi, McFly, François Descraques et toi, là pour le coup, c'était déjà la base du Floodcast, parce qu'il y avait des anecdotes avec du sperme, ça parlait de loose d'adolescence, on était déjà un peu dans la substantifique moelle du Floodcast. Le et substantifique donc, ça, sperme du Floodcast, quoi. Exactement, tout simplement. Et donc c'était le 7 mars 2015. Le 7 mars 2015, cet épisode est sorti, donc c'est-à-dire un peu plus de 7 ans. À l'époque, sache que c'était la mode des Draw My Life, Adrien, en 2015. Bon sang. T'imagines, cela ne nous rajeunit pas. Et faut savoir qu'à l'époque, 2015, genre Binge Audio, ça a été créé en mai 2015, Nouvelles Écoutes fin 2016, donc on était vraiment... C'était le tout début du podcast, c'est-à-dire les balbutiements du podcast. Moi, je sais qu'à l'époque... J'avais eu envie de faire cette émission parce qu'on travaillait ensemble avec Adrien à Golden Moustache. Faut savoir, je l'ai déjà dit plein de fois, mais que le Floodcast, moi, je l'avais proposé à Golden Moustache à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Qui avait répondu « Ha ! Pauvre type !» Non, pas dans ces termes-là, mais bon, grosso modo, c'était ça. Mais c'est étonnant parce qu'ils ont quand même du pif, normalement. Ils avaient quand même... tu vois, genre, le mec qu'on écoute jamais dans les films, ils ont jamais rien voulu en faire. Enfin, ce genre de truc, ils ont... T'sais, ils avaient quand même le don de trouver des chercheurs d'or, en fait, avec, tu vois, un coup de tamis comme ça, puis ils secouaient un peu, puis il y avait une pépite. Ouais, bon, bah là, c'est l'erreur de parcours, quoi. Et donc, on fait ce podcast dans les locaux de Golden. Pour le coup, ils nous laissaient quand même faire l'émission là-bas. Et on était tous ensemble, tout simplement, Adrien. On a commencé tous ensemble. Et tu sais ce que j'ai retrouvé en fouillant dans mes archives? J'ai retrouvé le message que je t'envoie où je te propose d'enregistrer le premier Floodcast. Oh, génial. Moment émotion, j'ai envie de vous dire. Je l'ai envoyé, du coup, alors c'est écrit le 20 janvier 2015. C'était sur quelle plateforme? C'était sur Messenger. Sur Messenger. Wow. Facebook Messenger. Okay. Mec, samedi fin d'après-midi, j'enregistre le premier podcast. J'imagine que la semaine t'a tué de fatigue, mais je me sentirais mal de ne pas te le proposer, car j'aimerais que tu en sois. Oh. Ce à quoi tu as répondu. Vas-y. Non, mais vas-y, je débrieferai après. Ce à quoi tu as répondu, ce sera où? Alors je réponds, golden. Et derrière, tu me dis, cool. Et tu m'envoies, ouh. Et derrière, tu envoies, Yves Montand mal fait sera de la partie. Et je réponds, parfait, je ramènerai des petits gâteaux et du coca. Et tu réponds, nickel. Putain, Yves Montand mal fait, ça date du premier Floodcast. Je pense même que du coup, ça date de la nuit originale, de tout ça, parce que c'est pour les gens qui nous ont découvert entre temps. Avec Adrien, la première vraie fois où on a fait de la radio ensemble, c'est quand Thomas Hercouet avait fait la nuit originale avec plein de gens d'internet. À l'époque, ça devait être à mademoiselle.com, je pense. Et avec Adrien, on avait beaucoup rigolé là-bas et plein d'autres invités qui ont été tous derrière, invités d'ailleurs dans le Floodcast. Et je pense que Yves Montand mal fait, ça doit dater à peu près de cette époque. Bah, moi, je sais que c'était en faisant cette émission que je m'étais dit, ok, j'adore, je déteste que ce soit en direct et que ça dure 35 heures. Mais par contre, si on le fait en enregistré à la cool et que je peux monter derrière, j'adorerais faire l'exercice. Et c'est vrai que pour moi, c'était impensable de le faire sans Adrien. Mais Yves Montand mal fait, c'était, je le faisais, c'est un personnage que je faisais dans la vie, quoi. Avec quelques autres, notamment Georges Brassens horrible, que j'ai gardé dans le privé pour des raisons évidentes de vraiment pas tout public. Mais non, mais je repense au message. C'est là où on voit que, que c'est une autre époque, parce que tu dis, je suppose que la semaine t'a tué de fatigue. Or maintenant, c'est vraiment, tu me dis une date et je suis dispo. Et on le fait vraiment la veille à 21h12 à distance sur Discord. Tu prends même plus la peine de demander si je suis dispo, tu dis c'est vendredi. Et je fais ok, de toute façon je vais faire quoi d'autre. Mais j'ai aussi trouvé le message que j'avais envoyé à Taous, puisque du coup Taous alias Jack Parker était une des premières invitées, où je lui décris ce qu'est le Floodcast. Alors ce qu'était le Floodcast dans ma tête à l'époque. Parce que voilà, si vous étiez c'est là... C'est un talk À l'époque, enfin au tout début, il y avait un peu cette idée d'avoir un thème à chaque épisode. Truc qu'on a complètement laissé tomber parce qu'au bout d'un moment, on avait fait le tour des thèmes pour se concentrer sur l'actu insolite qui permet de lancer des sujets. Mais à l'époque, j'avais envoyé à Taous, l'idée c'est de faire un podcast qui aborde des grands sujets de la vie de tout le monde par deux prismes, la vraie vie et la culture. On parle des déceptions amoureuses qui nous sont arrivées et comment elles sont aussi traitées dans les films, mais t'inquiète, on s'autorise à divaguer. Pas du tout ce qui a été l'émission au final. Si, la partie divagation était juste. Oui, ça on a gardé. On a gardé que ça d'ailleurs, c'est uniquement ça. Mais je me suis dit, c'était presque un bon concept de dire vraie vie et pop culture, mais du coup, c'est pas du, ça n'a jamais été ça. C'est un autre podcast à faire. Qu'on lancera dans notre grande. Qui s'appellerait. Qui s'appellerait Expectation Reality. Oh, à la manière de Sketch Web. Je viens de l'inventer. Non, c'est moi qui viens d'inventer ce. Ah, c'est à toi? C'est toi qui l'as créé? Ouais, non, ça n'existe pas. Autant pour moi. Des gens te demandaient, par exemple, pourquoi le nom Floodcast? Alors, tu te souviens, toi, Adrien, de pourquoi le nom Floodcast? Non, enfin, pour moi, c'est parce que Flood, c'est. Le Flood, c'est balancer un flot d'informations sans rapport les unes avec les autres ou sans intérêt sur les forums ou sur les chats et tout ça. Et du coup, Floodcast, un petit jeu de mots avec podcast finalement. Et oh oui, bah, qui mange d'aucun pain. Enfin, c'est pas du tout un canard. Ouais, non, ni aucun autre volatile d'ailleurs. Mais, oh non, pas de pigeon, rien. Non, mais. Pas un jeu de mots avec Florent, comme beaucoup de gens le pensent. Mais c'est ça, parce que les gens pensaient que c'était moi, je voulais me mettre autant en avant, ce que j'ai bien fait, bien sûr, par la suite. Mais à l'époque, non, c'était juste par rapport au mot Flood, effectivement, comme tu l'as dit si bien, c'était sur les forums. Et d'ailleurs, ça, c'est en lien avec la toute première émission, où il y avait des parties, la première émission qui a disparu d'Internet, où il y avait des parties, puisqu'il y avait cinéma, bande dessinée, jeux vidéo, et à la fin, ça s'appelait juste Flood. Et on avait parlé de porno qui avait... Il y avait des pornos qui avaient des titres marrants. Donc on avait. C'était Dumb Blonde Gets Cum Moustache Hitler, là, c'est ça? C'est ça. Hitler c'est Moustache, ça. Ouais. Dumb Blonde Gets Hitler Cum Moustache, ouais, c'est ça. Ouais. Et on faisait le jeu des Black Carambars où il fallait deviner la chute. Qui était un dérivé d'un truc qu'on faisait à Golden avec Adrien, effectivement, un bouquin que t'avais acheté où il fallait deviner des chutes d'un. C'était. Non, c'était pas un bouquin que j'avais acheté et on le faisait avec Navo à l'époque, quand il était DA de Golden. La petite récompense à la fin des réunions, c'était de jouer à ce jeu. On va pas citer Tu pourrais, de toute façon, ça sera bipé, mais oui, oui, c'était, un mec qui fait des blagues, il avait fait un livre de blagues, un mec un peu connu quand même. Voilà, mais le livre est... Bah, comme, après, est-ce qu'il existe des bons livres de blagues? Je sais pas, mais celui-là était assez nul à chier, et du coup, vraiment, le jeu était de deviner la chute de la blague. Et c'est, moi, j'adore, de toute façon, j'adore les jeux, j'adore tous les jeux. Mais c'est ta drogue, en fait, hein. Mais celui-là, celui-là j'aime beaucoup ce jeu. Bah écoute, du coup c'était lié à ça. On avait fait le flood. Le flood, c'était le sujet, le, comment dire, quartier libre un petit peu. On peut parler de tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs le podcast avec McFly, Taous et François Descraques, ça a été vraiment le vrai succès en fait. Ça a été le premier épisode qui a beaucoup tourné du podcast, alors que c'était que le deuxième, donc on a eu du cul, mais mine de rien il y avait aussi un appétit. Moi je me souviens de pourquoi j'avais fait le podcast, c'est qu'à l'époque on était du coup chez Golden Moustache, on travaillait ensemble avec Adrien, on faisait beaucoup de sketchs, mais je voyais jamais Adrien pour lui parler d'autre chose que écrire des sketchs en fait, ou valider des montages, on se voyait pas tant que ça, et je m'étais dit putain ce serait cool avec Adrien et les autres auteurs de Golden Moustache de se voir et juste de parler d'autres trucs quoi, tu vois, pour parler d'autres choses. C'est comme ça que Kevin Smith, parce que c'est rendre à César, moi j'écoutais le podcast de Kevin Smith, et c'est comme ça que lui il racontait son podcast à lui, c'est qu'il avait un pote producteur et il se voyait que pour travailler, et ils avaient fait ce podcast pour parler d'autres choses, et je me disais putain mais c'est super, enfin c'est une super idée. Donc bref, j'ai fait ce truc là. Et derrière aussi, c'était parce que à l'époque, je me souviens qu'on avait un... Alors, je parle personnellement, Adrien. À Golden, je commençais à avoir une petite frustration du public que je trouvais vraiment dur et qui avait des attentes. Mmh. Et faut savoir que Golden Moustache, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'il y avait autant Adrien que moi, que les Suri 4, que Hakim Omiri, que Eleonore Cos, que Justine Le Potier. Et c'était plein d'humour différent en vérité. Et j'en avais marre d'avoir des commentaires de gens qui étaient pas contents ou qui machin. Et on avait aussi des problèmes de pas de censure, mais en tout cas on faisait attention à ce qu'on disait. C'était le début de YouTube qui aimait pas trop quand il y avait des musiques libres, enfin bon bref, tous ces trucs là et donc moi je m'étais dit bon bah cool, on va faire un podcast où on peut dire ce qu'on veut, où on peut être grossier, vulgaire, rien à foutre, on fait vraiment en mode radio libre, parce que en mode radio libre je suis un immense ringard, Adrien, tu m'entends. Mais moi j'étais moi je propose de renommer le podcast en mode radio libre. Quelle horreur. Sur la façade de l'Olympia, en mode radio libre. En mode radio libre. Flo et Adri. Et l'affiche chez nous, on a un bandeau sur la bouche et on est en train de le découper comme ça avec des ciseaux. Putain, alors là, ça m'étonnerait qu'on nous baïonne. On a des menottes, mais c'est des menottes à froufrou, un peu érotiques. Et donc, l'idée, c'était d'être complètement libre et de s'amuser sur une émission de radio où on peut dire un peu n'importe quoi. Et donc ça, c'était le but. Et en vrai, ce qui est trop bien, c'est que c'est resté ça encore aujourd'hui. Et c'est même pour ça qu'à une époque, les titres des floodcasts étaient toujours extrêmement vulgos. Il y avait un peu un truc de ouais. « on peut dire des gros mots, montre du cul ». Il y avait vraiment un peu ce truc-là. Adrien, j'ai une autre question pour toi. Bien sûr. À ton avis, d'où vient la photo du logo du Floodcast? Je m'en souviens très bien. Alors, est-ce que tu peux raconter? C'était, on faisait le... Alors, ça s'appelait encore, je crois, le Téléthon Gaming à l'époque, dans les locaux de Webedia. Et on s'était isolés, toi et moi, dans une petite pièce pour finir de préparer les jeux, parce qu'on animait un jeu, et on avait chacun quelques jeux qu'on animait. Notamment je me rappelle du Nagui Quiz que tu avais. Derrière les différents trucs que j'ai fait dans ma vie, je suis l'auteur du Nagui Quiz. Voilà, et puis moi je crois que j'avais fait des films qui baisent ensemble, des trucs bien comme sûr. Ça et du coup on finissait d'écrire les jeux et également en ce qui me concerne en tout cas d'enregistrer des jingles. Parce qu'en fait, je crois que t'avais fait des jingles et du coup, je me suis dit putain, mais c'est trop con. Du coup, j'ai pas de jingle et du coup, je les avais fait en speed avec l'iPad et tout. Et du coup, c'est Luciole qui passait par là, qui nous avait pris en photo pendant qu'on était en train de bosser sur nos jeux. Exactement, avec un appareil jetable. Et je me souviens qu'elle m'avait montré la photo et que j'avais fait putain, la photo elle est trop cool. Est-ce que tu peux me l'envoyer et on peut l'utiliser pour le logo du Floodcast? Parce qu'on n'avait pas de. T'avais dessiné un logo à l'époque qui était un téléphone. Oui. Cassé, où il y avait du liquide qui coulait et ça faisait Floodcast, qui est resté en gros la police du mot Floodcast. Mais c'est vrai que je voulais que ce soit un peu plus incarné par nous, ouais, quoi, parce que ouais. Bah voilà. Mais c'est vrai qu'au début, en même temps, c'était un peu plus flou aussi, parce que même si t'étais dans quasiment toutes les émissions, il y avait un peu un truc où c'était un petit peu plus mon... Enfin, c'est moi qui avais lancé le truc, donc voilà. Et après, ouais, on s'est dit, bah, en fait, non, c'est notre émission, et je trouvais ça enfin, on trouvait ça débile de pas être tous les deux sur le... Sur le logo, tout simplement. Ouais, mais d'ailleurs, parce que ce logo, je l'ai pas fait dès le début, donc c'était quoi avant le visuel? Il était horrible. J'avais vraiment tapé un truc. Enfin, j'avais pris une police sur Dafont un peu cool, et c'était cette police sur fond blanc, noir sur fond blanc, dégueulasse. Oh, quel enfer! Et je n'ai jamais changé la description, qui est vraiment pas si ouf, qui était ce qui se passe dans ce podcast ne concerne que nous et le président des États-Unis d'Amérique. Oui. Et c'est la même depuis février 2015. Donc elle a connu trois présidents. Elle a quand même connu Obama, Trump et Biden. Parce que voilà, c'était à l'époque. Et je pense que je ne la changerai jamais. J'ai un peu ce truc, un peu comme le joueur du grenier qui ne changera jamais son générique. Je pense que je ne changerai jamais la description du Floodcast. C'est pour les vrais. Si. Je la change ce soir. Quelqu'un nous demande en moyenne combien de minutes sont coupées dans les épisodes et si les coupures sont juste là pour le rythme ou si vous êtes déjà arrivé de couper des situations de malaise avec des invités. Bah, on peut répondre. En vrai, on coupe surtout des vannes qui marchent pas trop ou des trucs où on se dit « Ah, ça va blesser des gens ou ça va faire chier. » Ouais, ouais. Y a aussi des trucs qui sont trop longs et tu coupes aussi. Hein. Bon, après, c'est surtout... Des fois sur le rythme, ouais, ouais. Ouais, mais... Oui, puis c'est des fois les gens, des vannes où ils se disent ouais ça ou ça j'aurais peut-être pas dû en parler ou des trucs comme ça. Enfin c'est jamais des dingueries hein, mais je me décrotte le nez, vous pouvez pas voir. Bon, j'ai un pouce dans le nez. Moi je me le prends en pleine gueule et j'adore. Toi tu te régales. Non mais c'est jamais des dingueries, mais juste des gens qui disent oh je sais pas, je suis pas sûr de pouvoir parler de ça ou des trucs comme ça. C'est ça, des fois ça name drop, des fois ça parle de projets qui sont pas encore mis en place, donc parfois voilà, j'insulte quelqu'un avec qui t'as l'ambition de travailler un jour, donc tu coupes. Donc je fais bon, on va éviter parce qu'en fait j'ai un peu envie de bosser avec. Oui non bien sûr c'est ça, et d'ailleurs ça rejoint une autre question de quelqu'un qui dit est-ce que c'est déjà arrivé Florent que tu laisses passer un truc que tu devais biper et tu as oublié de le faire. C'est arrivé une seule fois. Alors, il y a pas si longtemps d'ailleurs, non? Alors vas-y, tu penses auquel toi? Non, je sais pas, j'ai l'impression... Ah, c'était il y a pas si longtemps, c'était l'épisode avec Mid et Squeezie, donc c'est cette saison. Et en gros, j'ai oublié... donc Mid nous avait raconté cette anecdote du boucher, ou ah, de, oui, je sais plus quoi, qui avait un mec de volaille qui avait décapité une poule pour foutre une tête de poulet sur le vélo de Mid. Et il avait dit le nom du truc et je m'étais dit ok, faudra le biper, et j'avais oublié de le biper. Et donc du coup très vite je vois qu'il y a des commentaires sur la... Enfin quelqu'un, c'est ça qui est cool, il y a des gens quand même assez bienveillants dans le public qui m'avaient dit Flo t'as oublié de biper vraiment ce truc là. Et donc du coup je l'ai rebipé derrière. C'est ça qui est cool avec le podcast, c'est que tu peux réuploader les épisodes si t'as merdé ce genre de choses. C'est pas comme YouTube où tu perds tout, tu vois. Ouais. Et donc du coup j'avais pu biper derrière, mais je crois que l'épisode est resté 4-5 heures comme ça avec le nom de la rôtisserie. Malheureusement, aux yeux de tous. Mais c'est tout, hein. Franchement, sinon on a jamais fait. Je fais très attention et c'est même des fois ce qui me fatigue le plus, parce que parfois je note pendant l'émission quand je sens que ça faudra couper. Mais de temps en temps, il y a tellement de choses, il se passe tellement de trucs dans l'émission, et puis moi j'essaie quand même de rester dans l'énergie du truc pour pas être juste avec mon œil de monteur, que j'oublie, et du coup je me dis ah putain. Faut... Et typiquement le dernier épisode qu'on a fait avec Pyjama et toute la team la semaine dernière là. On l'a fini de l'enregistrer, il était quelle heure? Il était 1h du match, je crois, minuit. Ouais, il était bien et tard. J'avais complètement oublié ce qu'il fallait couper ou pas. Et du coup, je me le suis réécouté dans la nuit, je suis couché à 5h du mat. Pour vous dire, putain, j'ai fini de le monter. Chris Rock se faisait gifler. J'ai vu ce truc en direct. Oh. J'étais sur le montage et je vois Chris Rock arriver sur scène et je fais oh putain, Chris Rock, il va faire des vannes marrantes. Et j'ai vu The slap, j'ai envie de vous dire. J'ai vu The slap en direct. Donc voilà, et parce que j'avais complètement oublié ce qu'il fallait couper ou laisser, et dans le doute, pour mettre personne mal à l'aise ou machin, je réécoute l'émission en entier pour pas qu'il y ait de ce genre de merde, quoi. Mais d'ailleurs, ça me fait un tremplin pour parler d'un truc auquel je repensais récemment. C'est dans le Floodcast raconte en public qu'on a fait à Frames. Y a des gens qui m'ont dit pendant le Floodcast raconte, il y a Valentin qui te demande de caser Johnny et Aude qui te demande de caser un cheval, et il y a Johnny, mais c'est dommage, il y a pas de cheval. Et en fait, Il y en avait, c'est juste que donc toi, Florent, qui l'a monté, ouais, a coupé le moment parce que tu estimais que c'était trop long. T'as coupé le moment où justement il y avait un cheval. Donc il y en avait bien un. Parce que je suis un génie de la narration. C'est très bien en fait écrit. Et moi, je suis un très mauvais monteur. non, mais donc. Parce qu'il faut dire, c'est que tu descendais dans le public pour demander des animaux. Et donc, je l'ai fait un peu comme un bourrin. Parce qu'il y en avait beaucoup. Forcément, en live, c'était cool. Donc, j'ai fait, vas-y, j'enlève tout ce passage. Mais du coup, j'ai baisé le truc du cheval. Et donc, du coup, ça gâchait un peu le gag. C'est voilà. En fait, les animaux que je demande aux Odé Valentin et à toi d'imiter, je faisais pareil, mais aux gens du public avec un micro HF. Et c'était marrant, mais voilà. Et du coup, effectivement, à un moment, il y avait quelqu'un imitait le cheval. Mais bah, écoutez, il fallait être là, j'ai envie de dire. Hey, c'est ce genre de dinguerie que vous aurez si vous venez nous voir sur scène en septembre. Ouais, ouais. Bien sûr, vous imiterez peut-être des animaux dans le public. Faites gaffe, tout est possible. Une question que je trouve intéressante, quelqu'un qui nous demande notre souvenir du plus gros fou rire de l'histoire de l'émission. Alors moi, j'en sais que j'en ai trois en tête, mais parce que je peux préparer un peu plus l'émission et pas toi. Donc je peux le dire en attendant. Vas-y, dis, puis peut-être ça va. Oui, oui, oui. Moi, le premier, il est directement lié à Adrien. C'est l'épisode qu'on avait fait avec Pierre Lapin sur. Un de mes souvenirs aussi. Celui-là, cet épisode. En fait, souvent les épisodes débrief de fin d'année. Je sais que c'est des épisodes qui divisent un peu, mais alors moi, ils font partie de mes préférés. Bah parce qu'en fait, soit t'es dans le délire et c'est gaulerie, soit tu ne comprends pas ce qui se passe, tu vois. Oui. Moi, ça fait partie de mes préférés et celui où tu faisais le Joker avec une voix mais détruite. Mais si vous voix d'Adrien dans cet épisode, c'est vraiment, c'est plus ou moins honteux. On devrait vous payer pour avoir écouté ces épisodes. Et vraiment, je me souviens avoir ri aux larmes, à ne plus pouvoir respirer. Et donc, je crois qu'on entend des longues minutes de silence pendant le podcast, parce que juste je ris en fait. Et voilà, je me souviens que ça, c'est un de mes plus gros fous rires du Floodcast. Moi aussi. C'est effectivement un des trucs que j'aurais cité. Mais en fait, pour revenir à ce que tu disais sur le fait que ça divise, je pense que c'est des épisodes, genre les vieux de la vieille. Les aiment parce que en fait ils connaissent le running gag de moi qui a vu aucun film et qui improvise et invente des critiques de films que j'ai pas vu, et donc mais je pense que du coup les gens, et on a vu parce qu'on a fait des réunions business déjà pour qui se prend-on mais on a vu qu'il y avait faut expliquer vite fait aux gens depuis qu'on est chez Akaz, donc ils sont les gens qui gèrent un peu nos pubs, nos trucs. C'est ce qui fait que bah déjà, encore une fois, on fait des pubs pour Joker, donc déjà tout se recoupe, excusez-moi. Et donc c'est eux qui font que maintenant on est un peu rémunéré pour le podcast. On a fait un business meeting, ce qui était déjà très marrant pour nous, Adrien et moi, de faire un business meeting du Floodcast où ils nous ont expliqué un peu comment ça fonctionnait les épisodes et tout. Et le mini truc qui est revenu, c'est: vous n'êtes pas très accueillant pour les nouveaux. Parce que effectivement, vous hurlez et imitez Yves Montand mal fait dès le générique, et effectivement, sans expliquer les gens... le principe du. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux expliquer, quoi? Mais ce que je voulais dire, c'était que il y a quand même des. Il disait qu'il y avait pas mal de gens qui nous découvraient encore, et du coup, je pense que quand tu découvres cet épisode-là et que tu m'entends dire n'importe quoi sur les films sans savoir qu'en fait je les ai pas vus et que j'invente, tu te dis bah c'est quoi cette merde, quoi? Donc je pense que c'est pas aussi bien que les... Ouais, un petit bip. Voilà, bon bah j'ai compris. Alors moi, dans les autres fous rires que j'ai eu dans les récents, j'ai quand même Ramzy Bédia qui est venu avec Baptiste Lorbert et avec Nicolas Bernot. Et t'étais particulièrement on fire. Et faut savoir que c'est un épisode qu'on a fait le matin. Et on a fait très peu de Floodcast le matin. J'en ai que deux en tête. C'était celui avec VDB, Ambre et François. Et celui-là. Non, il y en a eu d'autres. Il y a eu tous ceux avec le Palmacho. Ah oui, c'est vrai. Mais en gros, non, c'est pas un truc qu'on fait souvent, le Floodcast le matin. Là, je me souviens avoir vraiment beaucoup rigolé. Bon, déjà, il y avait Ramzy, et moi, effectivement, fan de Eric et Ramzy depuis des années, donc c'était dingue. Mais t'étais particulièrement en forme aussi, et il y avait tout. Bernot était incroyable, enfin, tout le monde était très marrant. Et il y a eu des vrais beaux moments dans. Beaucoup de montage aussi dans celui-là, en l'occurrence. Ouais. Et on avait vraiment beaucoup rigolé sur celui-là. Moi, j'ai un très très bon souvenir de celui-ci aussi. Notamment parce que j'ai insulté quelqu'un, non pas que tu avec qui tu voudrais travailler, mais parce que tu avais peur qu'il nous attaque en justice. C'est vrai. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Enfin, que je l'ai pas insulté, oui, j'ai dit que, je pourrais sans doute le battre à la baston. Alors non, il y a eu ça, et alors t'as dû aussi un moment que tu souhaiterais que s'il y en a un qui meurt, ce serait plutôt cool. T'avais dit ça d'un gars. Ah, si. Oui, bah, c'est possible. C'est possible. Oui, je vois. Oui, je l'ai lu. J'ai pas dit peut-être que c'était cool, mais que bon, ce serait pas. Ah ouais. ce serait pas si grave. Ça passerait quoi. Rapport à ses accointances avec l'extrême droite. Oui. Ah bah bien sûr, c'était pas gratos. Mmh. Oui. Les gens demandent, est-ce que vous attendiez à ce que le floodcast dure aussi longtemps? Oh bah non. Enfin, en vrai, je pense que une des raisons pour laquelle on a peut-être une telle longévité et pour laquelle pour l'instant on n'est pas devenu une parodie ringarde de nous-mêmes, c'est que on n'a aucune attente. En fait, on fait émission par émission et on n'a aucune attente de. Enfin, tu vois, on a fait le même format pendant des années. Au bout d'un moment, tu t'es dit bon, en fait, c'est relou, il y a plus de thème. Maintenant, on va faire. On a changé. Et voilà, il n'y a pas de. Moi, en tout cas. Bon, après, c'est un peu peut-être aussi mon défaut dans la vie, c'est que je n'ai aucune ambition. Mais du coup, je pense aussi que c'est ça qui fait que on n'est pas. On dure de façon un peu spontanée et sincère, c'est que on le fait vraiment sans attendre quoi que ce soit, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi et moi je le dis, il y a vraiment pas de grosse ambition sur le floodcast à part vraiment rester ce qui fait que c'est cool à faire parce que j'ai l'impression que c'est ça qui plaît aux gens, à savoir c'est con à dire, hein, c'est naïf mais c'est bonne ambiance et rigolo quoi et on essaie de garder, et des fois de temps en temps ça dit on parle de sujet mais ça reste quand même surtout un moment pour se détendre hein, et je crois que c'est le fait que c'est la seule ambition. Ça permet de se détendre un peu, de penser à autre chose, de se marrer, etc. C'est aussi vrai pour les auditeurs que pour nous quand on l'enregistre. Et c'est pour ça que maintenant qu'on le fait en hebdo, c'est pas du tout contraignant. Bon là en l'occurrence j'ai le doigt défoncé, donc c'est pour ça que c'est un peu plus galère. Mais maintenant qu'on le fait en hebdo, c'est une vraie bouffée d'air frais. C'est de l'organisation, c'est du travail, c'est quelque chose. Mais c'est pas parce qu'on en fait plus qu'on est plus blasé ou plus saoulé. Au contraire, on se marre beaucoup plus qu'avant. Avant, moi en plus, j'avais un peu une pression vu qu'on en faisait pas souvent. Je me disais, ah, celui-là, il faut vraiment qu'il soit extraordinaire comme épisode. Alors que maintenant, vu qu'on a une hebdo, on peut se permettre des épisodes comme celui qu'on est en train de faire, qui je pense va quand même aussi intéresser d'autres gens, sans avoir la pression de se dire, oh là là, ceux qui aiment bien se marrer, par exemple, là, ils vont vraiment détester cet épisode. Et en même temps, on s'en fout, il y en a un la semaine prochaine et ce sera encore autre chose. Et ouais. Ça, je sais que c'est l'évolution qui m'a fait beaucoup de bien, moi, sur le floodcast. Parce que j'ai failli retomber dans le délire de YouTube et de la création générale de non, là, maintenant, il y a un niveau qu'il faut tenir et il y a un succès qu'il faut respecter. En vrai, Floodcast, c'est vraiment ça qui est cool. Le côté Wayne's World à l'arrache fait qu'on peut s'éviter tout ça. Et c'est assez agréable, en fait. Et c'est assez chouette. Et le public a complètement capté ce truc-là. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour moi, le meilleur exemple de ça, c'est les épisodes au Bataclan, qui étaient quand même travaillés et tout, mais qui étaient quand même à l'arrache pour un spectacle au Bataclan. Et c'est ce qui plaît aux gens. Et c'est vrai que j'ai un truc de... Du coup, ça nous permet d'être proches, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, d'avoir un truc un peu cool... à partager et en même temps je crois que les gens passent un bon moment quoi, je pense que les gens rigolent et c'est le seul but du délire quoi, et donc si ça permet ça, bah c'est trop bien quoi. Ouais. Et moi ça me conforte quand même dans un truc que qui peut paraître assez évident, mais c'est que moins il y a d'intermédiaires et de entre l'envie initiale et le résultat final, et mieux c'est quoi, enfin tu vois dans et mieux c'est parce que et mieux c'est que le chanteur bien sûr, non mais et tu vois bêtement là où je le remarque le plus, c'est dans les pubs, quand on fait des pubs nous-mêmes, enfin des trucs sponsors au début là, en fait c'est-à-dire que moi je repense, parce que en gros les pubs on les fait en se disant on écrit le truc comme on a envie de le faire, et si la marque pour telle ou telle raison veut nous pousser à faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, une modification qu'on n'a pas envie de faire, on stoppe, on dit non, ce qu'on n'a jamais eu à faire d'ailleurs, au passage c'est toujours très bien passé, mais je repense à alors désolé, hein, je veux pas bâcher Golden Moustache pendant tout l'épisode, mais c'est même pas la question là. Mais c'est juste que je repense là-haut avec Coluche et des proches, hein, je te le rappelle. Hein. C'est ça. Et il le live avec nous. Hein. Et, non, c'est que quand on faisait des pubs. On disait ah, vas-y, on fait ça, c'est trop marrant. Et il y avait 1 milliard de gens qui disaient ah non, ça vous pouvez pas, non, mais ça vaut mieux pas faire ça. Et au final, on faisait souvent de la chiasse de trucs qui n'avaient rien à voir avec l'intention de départ, qui était une version modifiée, diluée, nulle. Et là, je vois que, enfin, c'est la première fois de ma vie, enfin, je me souviens, en plus, on se faisait chier dessus par le public. Parce qu'ils disaient faites des pubs, c'est de la merde et tout. C'est la première fois de ma vie où on fait, là, les trucs sponsors, j'ai des retours des fois de gens qui disent « Ah, c'était marrant, la pub !» Ce qui me paraît fou. Mais en même temps, c'est là où je me dis « Bah oui, en fait, quand moins il y a d'intermédiaires, d'obstacles entre l'intention et le résultat, et mieux c'est. » Et ça marche, en fait. C'est-à-dire que je pense que toutes ces années où on nous a dit « Ah non, vaut mieux pas faire ça, ça », en fait, on aurait, je pense, très bien pu faire des trucs beaucoup mieux et ça aurait marché, quoi. Ben en plus, ça me fait penser à, dès la première, je me souviens avec Adrien, c'était quelque chose pour nous de signer avec un ACAS ou un truc comme ça, parce qu'on a toujours été tellement indépendants, à pas faire de sous avec le Floodcast, vraiment, et c'était complètement acquis de notre côté. Donc la première fois qu'ils nous ont proposé une pub, je me souviens, ouais. Bon, on l'a pas fait dans ce but-là, mais on l'a vraiment écrit en se disant, non, mais vraiment, alors là, faut... On écrit un truc qui nous fait marrer, quoi. Et on va même pas essayer de plaire, on va juste essayer de trouver un truc marrant. Et je me souviens de la blague, Jean-Paul Rouve va faire un backflip. Oui. Et le fait que il y ait eu aucune question sur, dans la pub, Jean-Paul Rouve va faire un backflip, et qu'on ait le droit de dire Jean-Paul Rouve, parce que la pub, c'est ça, hein. La pub, c'est non, attendez, oh là là, attendez, vous pouvez pas dire Jean-Paul Rouve, parce que là, si jamais il l'entend et que c'est pas lui, alors là, ça nous met. Même pas la pub, même, enfin, je veux dire, quand on bosse pour la télé. Parfois, ils disent des fois, non, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire tel truc. Enfin, c'est un enfer, quoi. Et là, la liberté le du juridique. Truc, il y avait vraiment. Ouais, c'est ça exactement, parce qu'il faut, en gros, pour vous expliquer vite fait, le juridique, c'est des gens qui sont payés pour dire là, il y a un risque non. Que. C'est pour dire non. C'est leur... Mais vraiment, je pense que c'est juste des gens qui tournent une roue. Et si ça tombe sur non, ils disent non, et sachant que c'est décapitent. Une roue où il y a 10 ouais, il y a 10 sections et il y en a 9 qui disent non. Le juridique, leur métier, c'est de dire quelqu'un va peut-être peut nous attaquer si vous faites ça, donc le faites pas. Mais c'est, ils supputent oui. Que des gens vont nous attaquer, mais potentiellement ils nous attaquent jamais. Et souvent d'ailleurs, les gens s'en branlent. Mais et là, on a eu zéro souci, on a pu faire Jean-Paul Rouve fait un backflip. Et là, je me souviens m'être dit, ouf, bon, ça devrait être cool alors. Ça devrait, ouais, ça va. Ça devrait, si ça se passe comme ça, c'est cool. Franchement, ça devrait plutôt bien se passer. Adrien. Est-ce que tu te souviens, moi je m'en souviens pas du tout, donc peut-être tu pourras éclairer ma lanterne, de ta réaction quand on s'est dit qu'on allait faire le premier Bataclan avec le Floodcast. Ma réaction. Je sais même plus comment on se l'est annoncé. Comment... Mais ouais, je sais pas. C'est Antoine Piombino. Piombino, Bambino, Baby Dog, Bambino, Bambino, Dalida. Piombino. On lui a jamais fait celle-là, je pense. Je pense jamais, on est trop content. J'imagine sa gueule en entendant cette vanne-là. Pas la peine de faire cette gueule, Antoine, en fait. Ça va avec tes grosses binocles. Donc, il faisait les deux heures de perdu. Il faisait les 2 heures de perdu au Bataclan. Que je trouvais. Moi, j'avais assisté à 2, je crois. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et il m'avait proposé est-ce que ça te dirait de faire le Floodcast. Et voilà. Et c'est vrai que c'était. Hashtag rêve de gosse. Est-ce qu'on irait jusque-là? J'ai une anecdote après. Tu me feras vas-y. C'est une anecdote. Assez gênante, mais c'est pas si gênant que ça, mais c'est ridicule. C'était que on avait fait le 2 heures de perdu, enfin le crossover là où on avait enregistré un 2 heures de perdu puis un Floodcast avec les gens de 2 heures de perdu, et c'était peu de temps après ça, et il y a Juliana, donc de 2 heures de perdu, qui m'envoie un message et qui dit on va faire un 2 heures de perdu au Bataclan, est-ce que ça te dirait de venir? Et moi, comme on avait fait les épisodes crossover un peu de temps avant, je fais carrément, mais genre faudrait que je fasse quoi et tout. Et elle me dit non, mais dans le public, je voulais t'inviter à être spectateur. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. Je pense que la gêne a pris le contrôle de mon esprit. Et donc j'ai compris évidemment sur le moment que voilà, j'avais fait erreur. et j'ai redit une phrase. Je pourrais retrouver le truc. J'ai redit une phrase comme si j'avais pas compris. Enfin, genre, je sais pas, mon cerveau a buggé. Et j'ai redit ouais non mais faudrait que je vois si je suis dispo, enfin je sais plus, mais j'ai redit un truc genre comme si j'étais invité, tu vois. Et après j'ai dit non mais je veux dire oui, j'ai bien compris que j'étais pas invité et tout, enfin j'ai eu un bug où et elle a dû se dire mais il est trop con, je viens de lui dire qu'il est en public, il me relance comme s'il avait pas lu ma phrase. Donc voilà, j'étais sans doute pétrifié de honte et mon cerveau a bugué. Mais voilà, ce truc de on dirait vraiment la blague de la star à qui on dit est-ce que vous pouvez prendre une photo, et est-ce qu'on peut prendre une photo, et en fait il lui demande de prendre la photo. C'est vraiment ça quoi, genre tu veux venir. Non mais dans le public hein, par contre. Ouais mais bien sûr, j'avais compris. Bah bien sûr, j'avais bien sûr. Horrible. Quelqu'un nous dit coucou les garçons, je me demandais ce qui vous avait poussé à rendre le podcast plus régulier. C'est Macron du coup. Hein. Mais ouais, c'est Macron. Ouais, c'est Macron qui nous a posé la question. Je me demandais ce qui vous avait poussé à rendre le podcast plus régulier ces derniers temps. Ça ne fait pas trop de travail, est-ce que vous vivez ça comme une contrainte? Bon, ça on a déjà un peu répondu, c'est pas une contrainte du tout. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à rendre le podcast plus régulier? C'est un peu une contrainte, enfin je veux dire, surtout pour toi en vrai. Oui, bon après voilà, faut les enregistrer quoi qu'il arrive, mais. Il y a plus de préparation et plus de montage parce qu'il y a plus d'épisodes. C'est juste mathématique, hein. Ça, voilà. C'est sûr. Mais qu'est-ce qui nous a poussé à le rendre plus régulier, Adrien ? Ben je sais pas en vrai. L'envie, c'est con, hein. Mais l'excitation. Ouais, parce que c'est même pas le genre le fait de. Enfin, c'est même pas l'appât du gain parce qu'on avait c'était déjà avant, ouais. commencé à ouais. avant d'avoir des pubs à faire un truc régulier. C'est ça. Et donc non, je sais pas, ouais, on avait à un moment on a commencé, enfin le rythme était très aléatoire jusqu'à présent, et il y a eu une période où on en a fait toutes les semaines, et puis on s'est dit ah c'est cool quand même d'en faire un par semaine, essayons de continuer comme ça, et puis en fait voilà, on a pris il y a eu mon déménagement pli. Qui a un peu aidé aussi, parce que d'un coup j'ai déménagé dans Paris, un peu dans le centre, avec une vraie table où on peut mettre des micros pour discuter autour. C'était plus simple qu'avant, je vivais dans le 15e, donc c'est plus en bordure de Paris, et puis c'était sur un bureau à l'arrache, c'était un petit peu plus ghetto. Là d'un coup c'est un peu plus chaleureux disons. Et oui effectivement l'envie. Et aussi, moi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure sur je voulais plus me cailler le lait, pour utiliser une expression un peu à l'ancienne, en me disant. T'es dialoguiste de Kaamelott, non? Bah écoute, je débaroule, j'en ai plein les grolles. J'ai la saumure dans la frangipane, là, qu'est-ce que tu me racontes? Une sauciflard en carafe, laisse-moi ton. Je te raconte que ça. Mais non, mais et tu crapailles depuis tout à l'heure, tu m'étonnes que t'as les arpions complètement enfumés. et de se dire on en fait une hebdo comme ça, il y a pas le stress et c'est pas grave s'il y a un épisode un peu moins bien parce que c'est qu'un podcast. Et depuis que je me suis dit c'est qu'un podcast, c'est vrai que ça m'a vraiment détendu sur tout. Et ça veut pas dire que je fais pas ça sérieusement, parce que mine de rien c'est du travail de montage et de préparation, d'organiser, de trouver des invités entre des gens qu'on aime bien inviter et des nouveaux, et trouver tout ça c'est quand même beaucoup de travail. Mais c'est ça que j'adore, c'est très consciencieux pour un truc très débile, et du coup ça permet de pas avoir la pression et de se dire bon bah voilà, j'ai taffé, j'ai fait mon taf, j'espère qu'on va passer un bon moment, et si c'est un peu moins bien la semaine prochaine il y aura un autre épisode, et c'est cool quoi. Et pour le moment ça nous réussit pas trop mal je crois, parce que pareil, s'il y a un épisode avec des invités qui vous plaisent moins, parce que ça peut arriver, bah il y en a un la semaine d'après, donc voilà. Si tu ou fais alors, un peu selon, ou alors l'épisode que vous êtes en train d'écouter actuellement par exemple, qui va peut-être vous plaira beaucoup moins, et ben oui, parce la qu'il semaine est un prochaine peu plus et ben on n'en fera pas puisque vous êtes des gros ingrats de merde. Ok. C'est un épisode making of un petit peu. C'est un épisode un peu making of sur comment on fait, comment on fait les floodcasts. Mais d'ailleurs, comment on fait les floodcasts sans aller profondément voilà, dans c'est les surtout rouages. Toi, parce que moi, j'arrive les mains dans les poches. Hein. Mais de moins en moins. C'est aussi un truc qu'il faut dire aux gens. C'est-à-dire qu'au tout début, effectivement, c'était moi un peu qui faisais tout, mais parce que c'était un peu. On se l'est jamais dit avec Adrien. D'ailleurs, c'est rigolo, quand on se l'est dit, il y avait un peu un truc de gêne de. Moi, j'osais pas trop lui dire, mais tu sais, c'est un peu notre émission parce que je voulais pas lui rajouter un truc de pression, de trucs à faire, et puis en même temps, on n'était pas payé. Et lui, il osait pas me dire, bah moi, j'ai un peu envie que ce soit mon émission, parce qu'il disait j'ai pas envie de lui piquer son truc et tout. C'était assez mignon et poli la façon de faire. Mais là le podcast en gros c'est y a quand même les invités que maintenant on se met vraiment d'accord tous les deux avec Adrien de qui on invite, et des fois il a des idées que moi j'ai pas, et des fois c'est l'inverse, et on se fait un peu confiance, genre moi je connais telle nana ou tel mec, ils sont super marrants ou super intéressants, et des fois moi je connais pas, typiquement Pyjama je connaissais pas, et on l'a invité deux fois. Maxime aussi, Maxime Biaggi. Maxime Biaggi, je le connaissais pas, je l'ai découvert sur Twitch, et le gars est super marrant, donc ça c'est trop cool. Et donc derrière moi je fais de la recherche d'infos un peu débiles qui permettent d'amener à d'autres sujets. Ce qui est cool maintenant, c'est avec le succès du podcast, on m'en envoie sur Twitter et sur Insta. Ouais. Et ça, c'est trop cool parce que c'est quand même un vrai gagne-temps. Et derrière, voilà, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui nous disaient, ah putain, il y a plus de petits jeux. C'est vrai qu'avant, on faisait les jeux du Damien 16, du Bigard. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est de la prépa. Là, pour le... C'est ça. Là, ça devient difficile. Là, ça devient des trucs où vraiment, fallait enregistrer des fois des chansons. Vraiment. Mais là, ça, c'est vraiment ça... beaucoup de taf. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est vrai que je pourrais, par exemple, il va falloir qu'on se mette d'accord, mais ça, je pourrais préparer des jeux de temps en temps. Ça pourrait être de fou. Cool de fou. C'est noté dans un coin de la caboche. Et je pense qu'aux épisodes en live qu'on va faire, là, il y aura des trucs comme ça, parce que c'est un truc qu'on adore faire. C'est juste que c'est difficile à faire dans le temps, et des fois... En fait, faut se poser et rien faire. C'est un peu comme l'écriture. C'est que parfois, pour avoir des idées, faut se poser et rien faire. Et vu que là, on est dans un rythme d'hebdo, c'est dur de se poser et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme truc marrant pour le Floodcast, etc., etc. Oui, parce que voilà, on n'a pas une rédaction, c'est pas une rédaction. C'est genre nous sur notre temps libre, quoi. Donc, voilà. Exactement. Donc, Pardon. Je voulais dire aussi, c'est moi qui fais qui gère les pubs aussi. C'est vrai. Parce que, il y en avait une que t'avais écrite. Ouais. Mais on s'est plus ou moins, on s'est plus ou moins dit que comme toi tu tapais tout le reste, que moi je me tapais l'écriture, le montage et tout ça des pubs. Ce que en vrai moi j'aime plutôt bien faire. Enfin c'est assez marrant de, enfin tant que pour l'instant les marques sont cool avec nous, c'est assez cool à faire, tu vois. Ah c'est un travail passion, Adrien. Est-ce que vous réécoutez parfois les émissions quelques mois, années après leur sortie? Et si oui, lesquelles sont vos préférées? Alors, lesquelles vous préférez, on l'a déjà dit. Moi, je réécoute rien du tout. Et j'avoue, pas adorer réécouter. Quand j'ai fait le Maxi Best Of de l'été dernier, parce que j'aime pas spécialement entendre ma voix déjà. Et j'ai pas adoré faire ça parce que j'aime pas réécouter les Floodcasts. Alors, moi, je les écoute tous quand ils sortent. Déjà parce que j'aime bien, enfin tu vois, ce genre, même moi ça me fait marrer de alors que je l'ai vécu généralement la veille, pas quasiment, mais ça, enfin parfois, mais non, puis aussi je pense que c'est aussi un réflexe que j'ai de quand je fais quelque chose je le remate, tu vois, quand c'est des sketchs je les remate plusieurs fois, mais là les podcasts je les écoute une fois, et je pense que c'est juste parce que, je les écoute pas de façon analytique, mais je pense que il y a une partie de mon cerveau qui doit analyser, assez naturellement. Et récemment, j'ai réécouté des vieux. Je me suis fait ça un peu, de réécouter des vieux, Le Père Noël sans la pisse avec Greg Romano. Enfin, j'ai réécouté vraiment les tout premiers il y a pas longtemps, et je m'étais marré aussi. Évidemment, j'avais tout oublié, donc c'était encore plus drôle de réécouter ça. Et ça donc oui, sympa, ça arrive. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé en message, parce que moi je réécoute pas, mais quelqu'un qui m'a dit, j'ai écouté un vieux épisode où McFly et Carlito disent on va sortir badass. Et c'est vrai que ça c'est fou, quoi. Ouais, enfin, genre, il y a des trucs dans le podcast maintenant où c'est vrai que si vous écoutez des vieux, on tease des trucs qui sont vraiment sortis depuis des années et des années. Ouais. Et ça, je pense que ça va être assez rigolo. Ça que 7 ans, je suis assez content aussi, parce que je me dis, oh la vache, si... Moi, on verra, hein. Je sais pas si on tiendra hebdo pendant des années encore, mais c'est vrai que le Floodcast, je me vois pas arrêter vraiment, quoi, parce que je trouve que c'est plutôt un petit rendez-vous cool. Je sais pas si on tiendra l'hebdo jusqu'à la fin des temps, mais je sais que j'aimerais bien avoir un petit endroit podcast quand même assez souvent, parce que je trouve ça cool... comme accompagnement à ce que je fais ou à ce qu'on fait avec Adrien et les gens qu'on rencontre, etc. C'est un petit point, c'est comme un album photo sonore un peu cool, je trouve, de vacances. Moi je pars pas beaucoup en vacances, mais du coup toutes ces émissions qu'on a faites, c'est plein de souvenirs qu'on pourrait avoir ensemble, et je pense que ça peut être cool quand je serai dans mon dans ma maison, vieux, je réécouterai ça sur mon casque VR, ce sera le futur. Dans le, avec dans des le métaverse. Je dans le métaverse. Tu boiras une bonne Heineken dans le métaverse, là. mais tu vois, rien que l'épisode qu'on a enregistré pendant le confinement, quoi. Tu vois, tu réécoutes ça dans 10 ans. Bon, en espérant que dans 10 ans, il n'y ait plus le Covid. mais même dans 20 ans, j'en sais rien. Ouais. De se dire, ah oui, putain, j'ose espérer que nos vies. Enfin, bon. Elles ont déjà bien changé nos vies depuis le confinement, à nous deux. C'est sûr. Mais voilà, ça sera marrant de réécouter tout ça, quoi. Quelqu'un nous demande... Alors, attends, excuse-moi. Alors, c'est une question qui revient souvent, mais je me dis, là, c'est quand même l'occasion d'en parler. Quelqu'un qui demande, mais même pas en mode question, plutôt je vous en supplie, est-ce que vous pourriez faire au moins un épisode du podcast filmé juste pour voir à quoi ça pourrait ressembler ? Mais comme on l'a souvent dit, je sais qu'Adrien, il est moins catégorique que moi. Adrien, il pourrait se laisser tenter de faire un épisode sur Twitch ou filmer. Ouais, sur Twitch, ou... ouais. Mais encore une fois, moi, ce que je disais, c'est que ce serait pas un épisode sur Twitch. Ce serait genre nous deux, mais je verrais pas l'intérêt de faire un floodcast sur Twitch. Mais par contre, faire un truc tous les deux où on adapte à la plateforme. Ouais. Que ce soit des jeux ou des trucs ou je sais pas mais un épisode filmé je vois pas non je suis comme toi si c'est ouais, vraiment c'est... la même formule mais filmé je vois pas l'intérêt. Ouais, moi ça rejoint exactement ce que je disais sur la pression parce que j'aime me dire que les gens ils écoutent le podcast en faisant autre chose en faisant la vaisselle, en étant en bagnole et ça m'enlève un peu une pression de faut vraiment que ce soit nickel chrome quoi. S'il y a une vidéo, je me dis bah là tu te poses. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui regardent ça sur leur chiotte ou en fond sonore mais je sais pas dans ma tête déjà ça devient un petit peu plus officiel quoi. Il y a un truc où tu dois regarder une image, tu dois te concentrer. Donc ça moi j'aime pas trop et c'est marrant, c'est avec Navo qu'on en parlait. Et je suis complètement d'accord avec lui, c'est que dire que si tu y a le même truc en audio qui existe en vidéo, mon cerveau a envie de le regarder en vidéo parce qu'il a l'impression qu'il va passer à côté de quelque chose. J'ai un peu ça avec par exemple Un bon moment ou Popcorn, c'est des émissions que j'écoute pas en podcast audio parce que je me dis ah mais j'ai c'est aussi pensé pour de la vidéo donc j'ai envie de regarder la vidéo mais en même temps fatalement j'ai moins de temps à consacrer à regarder une vidéo dans ma journée. Et au final, je la regarde pas. Enfin, au final, je la repousse à des semaines et des semaines. Et je me dis, ah, Floodcast, j'ai l'impression que ce serait un peu un truc comme ça aussi. Non, mais... j'ai pas envie. Donc, alors, moi, j'ai pas ce problème. Cette chance-là, c'est que par exemple, 301 vues, je le consomme uniquement en podcast, c'est par marrant. Exemple. Ouais. Aussi notamment parce que maintenant c'est un peu enfin les replays genre je crois qu'ils sont pas accessibles si à moins que tu donnes au Patreon un truc comme ça enfin mais même avant en fait j'écoutais en podcast uniquement et voilà mais oui je comprends je vois le truc de se dire mais c'est peut-être aussi parce que on a une vision de ah ben enfin je sais pas de vouloir mieux c'est comme si l'image bah c'était mieux alors qu'en vrai c'est une mauvaise façon de voir les choses enfin oui, c'est très subjectif en plus bien sûr mais peut-être parce qu'on vient de là aussi peut-être qu'on vient de l'audiovisuel et que du coup quand on se dit qu'il y a audiovisuel faut vraiment que ce soit carré de ouf alors que moi je sais que l'audio pur je suis à chier les épisodes sont mixés à la merde mais du coup j'ai un peu un truc de bon bah voilà je sais que c'est pas ouf pas de stress, vous pouvez pas me juger, etc., etc. Quoi. Non, mais je pense que si historiquement, je pense que c'est des médias qui sont arrivés de façon successive dans la vie des humains. C'est-à-dire que d'abord il y a eu la radio et après il y a eu la télé et tout le monde s'est dit oh c'est mieux, il y a de l'image. Mais en fait ça invalide pas le média précédent quoi. Mais je pense que dans nos têtes il y a un peu un côté ah bah si il y a de l'image c'est mieux. Alors qu'en vrai en fait c'est deux médias différents quoi. Et ça rejoint des fois les questionnements qu'on se fait sur les épisodes live. C'est marrant parce que donc on a fait deux épisodes de Bataclan et deux à Frames ou trois à Frames. Non, deux à Frames, je crois. J'ai l'impression que c'est trois, mais ah, peut-être oui trois, je ouais. sais plus. On en a fait trois. Oui, trois à Frames. Oui, oui, bah bon, oui. Oui, c'est ça, trois à Frames. Et il y a un celui peu celui avec Navo. Il y a celui où on était un nombre incalculable de gens tous alignés, et puis le dernier c'est qu'on ça. A fait. Et le dernier, voilà, c'est ça. Et j'ai un peu ce truc là où je me souviens qu'à chaque fois je me dis je crois qu'en live c'était cool mais est-ce que c'est cool en audio et c'est marrant parce que du coup je me dis si je faisais aussi la version vidéo il faudrait que je me prenne la tête aussi en disant, alors attends, est-ce qu'en vidéo c'est, il y a une plus-value, et est-ce qu'en audio c'est bien aussi quand même malgré tout? Et ça, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, mais c'est un vrai exercice, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que le meilleur épisode de Frame, c'est le dernier, parce qu'il est plus pensé pour les auditeurs à écouter, ouais. Hein, je parle. Et du coup, il y a un truc un peu plus agréable quand t'écoutes l'épisode à dire, oui, bah ça reste un floodcast. Et ça y est, un peu vers ça qu'on va tendre un peu. D'ailleurs, je pense, sans vouloir trop spoiler, en septembre, c'est de se dire, il faut vraiment que ce soit un show trop stylé pour les gens qui ont pris leur place, mais dans ce show trop stylé qui est assez pour faire quand même de quoi faire un petit floodcast pour les gens puissent l'écouter aussi. Oui, en fait, que derrière, tout le côté visuel n'empêche pas d'apprécier le truc en audio seulement, quoi. Alors j'ai deux autres questions qui ont un peu rien à voir avec la création d'un floodcast et tout, mais qui sont un peu qu'on m'envoie tout le temps à chaque épisode, donc je me dis c'est un peu l'occasion de répondre. On m'a beaucoup envoyé, il y a un livre qui parle du Puy du Fou qui va bientôt sortir. Ah oui, le Puy du Fou, voilà, dont avait parlé Rivenzi, hein, d'ailleurs, quand il était venu avec Ponce. C'est vrai, c'est vrai. C'est de ce bouquin qui nous avait parlé et qui le dit, Rive, ah là, le Rive, l'excellente Rive, selon moi. Et les gens nous disent, ah, faudrait les inviter et tout. Alors, ce serait peut-être intéressant, mais c'est très mal connaître le Floodcast qui n'a pas d'autre véhilité que de chier gratos sur le Puy du Fou en faisant des vannes sans commencer à essayer. Ça devient documenté trop. ça gâcherait presque, en fait, de commencer à dire pourquoi c'est de la merde alors que juste dire il n'y a pas d'attraction, c'est nul, je m'en fous un peu. Donc on n'a pas lu le bouquin, mais non, on va pas recevoir les auteurs. Mais d'ailleurs, je pense aux auteurs qui doivent vraiment pas comprendre que sur Twitter, ils ont un nombre de mentions du Floodcast, c'est-à-dire. Qui sont ces mecs? En vrai, ça n'a rien à voir avec nous. Et alors, quelqu'un a parlé de ça. Et alors, si tu as la photo, je t'en conjure, envoie-la nous parce que c'est vraiment très marrant. Quelqu'un qui me dit, je voulais m'excuser pour la fois où je t'ai demandé une photo dans la rue en pleine nuit à minuit devant la salle du concert de Maxence à Paris en 2019. Tu avais un short Bart Simpson et des kebabs dans la main. La photo est mythique et je me souviens bien de ce moment. Je l'ai vu, j'ai l'impression. J'ai vu cette photo parce qu'elle me l'avait envoyée, enfin elle m'avait tagué, je pense, sur la story à l'époque. Si tu peux me renvoyer sur Twitter ou Insta cette photo et que tu m'autorises à la partager, et si c'est pas le cas, tant pis, mais c'est une des pires photos de moi avec des gens. Voilà, je vous le dis, je suis, mais d'un niveau, en fait, c'était un soir au concert de Maxence et je ne suis pas allé voir Maxence ce soir-là. C'est un hasard que je sois là à ce moment-là. Je suis juste allé me chercher des kebabs parce que j'étais seul chez WAM et j'avais envie de kebab à minuit. Et vraiment, je suis dans un niveau dégueulasse. Ah, c'est une catastrophe. Donc voilà, si t'as cette photo, alors n'hésite pas à me l'envoyer, que je la partage avec les gens, parce qu'elle est vraiment catastrophique. Adrien, une recommandation culturelle. Est-ce que tu en as une en tête? Je peux partager la mienne, si jamais. J'ai. Alors, Vas-y. Donc déjà, c'est dans le dernier Floodcast, j'avais recommandé le livre de Mike Schur, How to be Perfect. Alors déjà, je précise que c'est ironique, enfin le c'est pas sérieux le titre How to be Perfect. Ah, okay. c'est pas genre ça parle de philosophie morale et donc évidemment c'est une blague, c'est le but n'est justement, enfin le enfin sans vouloir spoiler, mais le livre se termine en disant justement ça n'a aucun sens de demander la perfection ou de la rechercher, et justement il faut enfin je veux dire accepter le fait qu'on n'est pas parfait, tout ça. Bon, bref. Mais donc du coup, je l'ai terminé parce que je l'avais recommandé alors que j'étais en cours d'écoute parce que je l'ai écouté. Et donc là, je l'ai fini tout à l'heure et je le recommande. non, mais je le recommande d'autant plus. C'est vraiment cool. J'espère qu'il va être traduit en français. Parce que effectivement, bon, si on parle pas très bien en anglais, déjà que ça parle de philosophie, donc en plus ça en anglais c'est un peu balèze. Mais j'espère que ça va être traduit. J'ai même pas cherché si ça l'était déjà, mais je pense pas. Mais en tout cas, c'est vraiment cool. Puis ça, je sais pas, je pense que ça permet de mettre pas mal de choses en perspective et aussi se remettre en question sur. Sur qui on est, ce qu'on fait, comment on aborde la vie, et puis ça permet aussi de donner des outils pour quand on se dit, quand on pense être une merde ou quand on aimerait, on sait pas trop comment réagir, tout ça. Enfin, c'est fait sans jugement, c'est vraiment pédagogique et marrant, et donc c'est vraiment chouette. Donc, mais c'est rigolo parce que tu pourrais te dire que ce genre de livre, un petit peu, comment dirais-je, un télo! Ouais, non mais développement personnel, disons. Ouais. Par un auteur de comédie, ce serait un peu ironique, pas de côté et tout, mais non, il donne vraiment des conseils. Enfin, conseils, le mot est un peu. Mais, bah, des clés, des clés plutôt, des outils. Ouais, okay. Ouais. Et c'est, bah, en fait, il parle de. Enfin, en gros, il parle de plein d'écoles de philosophie morale. Et il explique, bah voilà, telle situation, telle école de la philosophie dirait ça. Et il dirait, mais bon, concrètement, dans le monde dans lequel on vit, c'est impossible de vivre comme ça, parce que sinon, ceci, cela et tout ça. Donc en fait, tu vois, il dit, bon, bah voilà, mais en tout cas, voilà les outils de réflexion que offre telle ou telle école de philosophie. Et du coup... on peut s'en inspirer pour faire des choix dans la vie et pour essayer d'être plus d'être une meilleure personne et tout. Et j'essaie de voir s'il existe en français, mais je pense pas. J'ai regardé, il existe pas. Il existe, il pas existe en français. Pas, d'accord. Bah, il existe, écoute, pas encore. Hein, s'il y a des éditeurs, je vais le traduire. Non, mais s'il y a des éditeurs genre Capricci ou des gens comme ça qui avaient par exemple traduit Sick in the Head d'Apato. Alors c'est voilà, Kavinsky et il était DJ et malheureusement il est décédé, donc ça m'étonnerait qu'il puisse faire quoi que ce soit. Kavinsky, j'ai dit quoi, il était décédé. C'est Avicii. Tu attends. Eh oui, tu coupes, eh oui. Coupe cette blague. C'est Avicii. J'ai oublié ce que t'as dit d'ailleurs à la base. Non, je dis. T'étais concentré. Non, le nom sur que t'as dit, c'était. Le nom, c'était quoi? C'était. C'est les éditeurs qui ont traduit Sick in the Head d'Apato, de Joe D'Apato. Et c'est quoi le nom de l'éditeur? Capricci. Ouais, voilà. Et Avicii. Mais c'est un DJ et il est décédé malheureusement. Ouais, donc ça m'étonnerait ouais. qu'il puisse faire quelque chose. Bien sûr. Mais quelle merde je suis, putain. Tu vois? Ah ouais, je suis philosophe et tout. Bah, tu restes une belle merde en tout cas. c'est ça la morale du truc. Ah ouais, les bouquins c'est bien, mais bon, quand on est un humain de dernière catégorie, on reste au fond du rayon et la date de péremption est passée et personne ne prendra ce produit, même si on le met. Il y a pas de logo. Il y a pas de logo sur le sachet. C'est terminé. Le soleil a effacé. Avec les années, le soleil a effacé toute inscription. Personne s'est marqué sur ta gueule que tu es périmé, imbécile. Bon, la marque, y a pas de nom de marque, c'est juste écrit le produit. Voilà, c'est en pas blanc. Une vraie marque. Ouais, c'est ça. Et ben moi, je vous conseille un film. Attends, j'avais pardon, parce que je vais pas, excuse-moi. Je voulais pas juste recommander excuse-moi. Le même truc quand même comme un. Oui, comme t'as un raison. Salaud. Excuse-moi. Pardon. Non, sinon je deux chaînes YouTube. Une qui s'appelle Field Days, Field F-I-E-L-D, plus loin Days. C'est un mec. Field. Absolument. bon, c'est un mec qui fait. En fait, c'est des vidéos de survie entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un peu des défis où il dit je survis 3 jours sur une île déserte et tout. Et du coup, il se fabrique des trucs, il récupère des malins. En fait, moi, j'adore les trucs de survie, donc c'est un peu mon péché mignon, les trucs de bushcraft et de survie et tout. Et lui, c'est assez léger, sur un ton assez léger et tout, et en même temps, il fait des trucs, c'est assez, enfin voilà, c'est des vrais trucs de survie où il récupère des trucs, il fabrique des machins et tout. Le petit bémol, alors je précise pour les véganes et qui peuvent écouter ou amoureux des animaux tout bonnement, bon, il bute quand même à peu près à chaque épisode au moins des poissons, parfois genre des crabes ou des trucs comme ça. Je l'ai pas vu buter d'autres animaux, mais bon, il se trouve qu'il pêche quand même parce que bah il mange, enfin voilà, il pêche des animaux et tout, et il les bouffe. Donc c'est pas évidemment pas mon passage préféré des vidéos, mais en tout cas, trigger warning si vous refusez de voir de telles scènes, ne regardez pas. Mais sinon voilà, et sinon la chaîne de Marie Spénal, qui est une dessinatrice, illustratrice, qui a une chaîne YouTube qui est très chouette, elle sort des vidéos de temps en temps où les sujets sont hyper variés, c'est soit des vlogs, soit des vlogs, mais qui sont souvent justement entrecoupés de elle qui dessine et puis c'est illustré, enfin c'est assez chouette et voilà, je voulais conseiller sa chaîne. Très bien, et bien c'est noté. Et bien quant à moi, un film. Un film, bah, tout bonnement. Un film que j'ai vu sur Shadows. Alors c'est marrant, on en parlait avec, Marie la dernière fois, qui avait conseillé un film. Donc elle avait dit qu'elle allait être dans un film, pardon, qu'elle allait passer sur Shadows, et donc j'ai dit du bien de Shadows, et Shadows très gentiment m'a envoyé un petit abonnement d'un an. Alors trop sympa les man. Ah bah moi je peux bien aller me faire foutre en tout cas moi. Bah ouais, mais bon après t'as déjà vu tous les films. T'as vu tous les films, pour quel intérêt pour toi d'avoir accès à une plateforme de streaming? Donc Shadow, c'est du streaming spécialisé dans le cinéma de genre et fantastique. Et ils ont un film qui s'appelle Green Room dedans. Et alors je vous conseille ce film Green Room. Attends, ça me dit quelque chose? Alors ce sont des punks qui font un concert dans un bar de néo-nazis. Et ce sont des punks évidemment plutôt de gauche et des néo-nazis. Étonnamment plutôt de droite. Plutôt doué, d'accord. et ça se passe pas bien, voilà, pour vous expliquer un petit peu. Et ça part un peu en couille, et après ça part un peu en survival. Et parmi ces néo-nazis, il y a Patrick Stewart, qui est un acteur que j'adore, le professeur Xavier. Oui, je vois ça, ouais. Et qui est vraiment incroyable dans le film. Et c'est vraiment... Alors, tu parlais de trigger warning. Là, vraiment, tous vos triggers sont à warner très fort, parce que c'est vraiment vénère. C'est un film violent et d'horreur. Mais la mise en scène, okay, c'est méga coup de poing, méga vénère. J'avais les doigts enfoncés dans mon fauteuil pendant l'intégralité du film. J'étais... Ah ouais, c'est à couper le souffle. C'est super malin. Ça joue bien. Bon, c'est voilà, encore une fois, c'est costaud, hein. Ce n'est pas à mettre entre toutes les bouches, mais si vous aimez bien les films d'horreur entre et que toutes vous les trop... bouches, j'ai dit quoi? Ah, j'ai dit ça? À mettre entre toutes les bouches. À ne pas mettre entre toutes les. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui vont s'embrasser et hop, entre les deux bouches, ah non, tu mets. Ouais, non mais pas forcément. Tu mets entre un film, les bouches, justement. Ouais, oui, oui, justement, faut pas le faire, ouais, parce que ah vous laissez les pas gens s'embrasser au lieu de mettre un film entre les deux. Juste oh, au moment où COVID, leur bouche vont se... Avec ce Covid, on ne sait pas, Adrien. Oh, tu m'étonnes. On est d'accord que c'est pas très Covid, c'est pas la vraie fonction de la phrase. Genre maintenant, genre des gens qui s'embrassent, ils doivent être désolés, c'est pas très Covid. Hein. Sauf que si, justement, c'est très Covid de s'embrasser. Oui, car tu... ouais, c'est comme, ouais, c'est comme pas très Charlie. Tu sais, quand les gens ils disaient, oh là là, c'est pas Charlie. Hein. Tu fais, bah si c'est une blague vénère. C'est oui. Charlie, parce que c'est Charlie Hebdo. Ouais, ouais. Bon, bref, excusez-moi, c'était mon petit moment grammaire, ouais, mais après, je voulais en parler. C'est un mème. Quoi? Non, mais tu peux dire ça si tu veux maintenant. Tu... Ouais, non, vrai, mais c'est un mème en fait. Ah, c'est un mème. C'est même. Un mème. Moi, je rêve qu'on fasse un épisode bonus où c'est juste, on fait des mèmes à l'oral sur le modèle de Will Smith gifle Chris Rock, et c'est que ça. On improvise des mèmes pendant 1h30. Peut-être un bonus pas très... Enfin, tu vois, il voulait qu'on fasse oui à Casse Plus. Peut-être à Casse Plus. Ouais, voilà. On propose si vous des payez épisodes. 6 euros d'abonnement. 6 euros. Bon, bah voilà, Adrien. Écoute, MST est sur Canal+. C'est vrai, au moment où l'émission on parle, en entier. C'est ce soir, ouais. C'était hier, du coup. Non, oui, c'est ce soir, pardon. C'est ce soir. Donc, si vous avez Canal, il y a les sketchs que vous avez vu sur YouTube, plus un ou deux, mais bon, en l'occurrence, si vous avez vu les sketchs sur YouTube, il n'y en a c'est pas deux beaucoup d'inédits. Il y en a deux en plus. Et normalement, d'autres émissions, Adrien, est-ce qu'on peut le dire ça ou pas? Je sais même pas, en fait. Mais Bah, je sais pas si on peut. Oui, on peut le dire. Il y a deux autres épisodes qui. Deux autres MST qui arrivent. Donc... Lourd. La donc, deuxième et la troisième vague de MST. Salut les garçons, c'est Will Smith. Et deux émissions dont tu es le directeur d'écriture, Adrien, il faut le dire aux gens. C'est ça, et auteur aussi, et directeur d'écriture. Et attends, cette semaine, Adrien, c'est une semaine un petit peu particulière, puisque qu'est-ce qui sort à la fin de la semaine? Bah oui, je crois bien. Le 8 avril. L'info que je viens te donner, c'est Will Smith. Ok. Et toi, tu vis... Bah t'es je suis Chris toi. Rock, toi, moi, t'es toi, coup. Toi, t'es Chris Rock. Ouais. Eh bien, c'est la saison 2 de Derby Girl qui sort le 8 avril sur Slash, oh, gratuitement. Si vous écoutez ce podcast, c'est cette semaine, tout simplement. Si vous écoutez la semaine de sa sortie, ça arrive vendredi, du coup. Même avant, tout à fait. Lundi 4, mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi 8. Non, c'est bon, j'avais bon. C'est je ça, me suis c'est pas ça fait confiance. Ouais, bah, tu aurais dû. J'aurais dû me faire confiance. Derby Girl, trop bien. Et puis, quant à moi, Baptiste Le Caplain en spectacle partout en France, voilà, et puis ouais. Théâtre de la Renaissance en octobre. Bon bah merci Adrien, écoute, c'était un épisode un peu spécial, je suis sûr qu'il y a des gens que ça a intéressé, et puis pour les autres, de toute façon, si vous n'êtes pas encore là, c'est pour les autres, vous êtes déjà partis depuis bien longtemps, mais on va refaire un épisode la semaine prochaine, de toute façon, un peu plus comme à l'accoutumée. Épisode normal. Un épisode mais oui. Comme à l'accoutumée. Merci Adrien, bisous tout le monde, ciao. Bisous, salut, ciao. Salut, ciao. Manu, ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.